Chut, c'est la MyFi. Bonsoir et bienvenue. Nous sommes le vendredi 2 décembre 2016. Il est 22h à Montréal et vous êtes avec Zika pour, comme vous l'avez déjà probablement remarqué, un numéro tout spécial. Tout spécial car aujourd'hui on célèbre l'épisode 170 de ce Cerceau Radio et j'ai donc décidé pour célébrer tout en beauté ce chiffre rond de renouer avec ce que j'avais fait à l'occasion de l'émission du 1er avril de cette même année et que vous avez été des milliers et des milliers à me demander de réitérer. Alors attends, je reprends une petite bouffée d'air pur et j'envoie le son. T'es prête? C'est donc reparti ce soir pour une émission à l'animation toute faite sous hélium et à la programmation musicale inédite et particulière, mais ceci dit, beaucoup moins douteuse que celle du 1er avril, puisqu'on va quand même rester dans les belles affaires, celles qui ont pavé notre chemin tout en diagonale de mélomanes cul-de-jatte. Qu'elles soient restées anecdotiques ou devenues mythiques, tout ce qui va se passer ici ce soir n'a jamais cessé de briller dans nos mémoires enfumées et nos petits cœurs tout retournés. Vous êtes bien sur les ondes de CISM et vous entrez à l'instant dans le 170e anniversaire de la MyFi. Let's go! Yo, I'll always hit the tape with the rough, rough styles. You heard the psychedelic and you came from miles. Keep my mom stick like a game is a so you can call me Black and Tan when I'm wrecking the crew. I'm like Billy Wright when he's in Tangiers. I'm out on the source of army with my big big beers. Analog real and a little distortion. Smoking on suckers, you can say I'm scorching. I've never been the type to brag, but well, make a man burn his rap card like it was hell. Send you up the river like you're looking for curse. I got the mark, watches him up in every reverse. Twilight hearts and I blow my cover. Work out of dust and all the wall chisel. The wild boys run around into zone tripping. pair to the studio, you know what I'm saying? And this brother stopped me and asked me, yo, what's up with that brother Chucky D? He swear he nice. I said, yo, the brother don't swear he nice. He knows he's nice, you know what I'm saying? So Chuck, I got a feeling you turning into a public enemy, man. Now remember that line you was kicking to me on the way out to L.A. Lounge in Queens while we was in the car on our way to the shop? Well, yo, right now, kick the bass for them brothers and let them know what goes on. Rolling stones in the rap game, not bragging. Lips bigger than Jagger, not sagging. His brother backwards, I'ma leave it at that. Daddy got nothing to do with rap. Check the facts, expose those cats who pose as heroes, take advantage of blacks. Your government's gangsters, so cut the crap. A war going on, so where y'all at? Fight for power, cause great responsibility. F the police, but who's stopping you from killing me? His ass is fiascos, a loop by P.E. If it's I instead of we, believe in TV. Spreading rich and bitches, this new thing about snitches. Watch the masses move as the masses switches. System distant, but barely missed her. My soul intends to save my brothers and sisters. Get up! This like that. Get up! What you gotta do, you got to tell them just like that, you know what I'm saying? Cause yo, man, let me tell you a little something, man. These brothers run around hard-headed, they get a little jealous, you know what I'm saying? Just like that, you know, they try to bring you down with them. But yo, Chuck, you got to tell them just like that. Screaming gangster 20 years later, of course it does while consciousness faded. New generations believe in them fables. Gangster boogie on two turntables. Show no love, so it's easy to hate it. Desecrated while the coroner waited. Any given Sunday, so where y'all reigning? With slavery, lynching, and them drugs infiltrated. I'm like that doll Chucky, baby. Keep coming back to live, love life like I'm crazy. Keep it moving, rising to the top. Duck fresh, clean living, you don't stop. Revolution means change, don't look at me strange. So I can't repeat what other rappers be saying. If you don't stand for something, you fall for anything. Harder than you think is a beautiful thing. Get up! Down with them. But yo, Chuck, you got to tell them just like that. So it's time to leave you a preview so you two can review what we do. 20 years in this business, how yourself sold, she wins. People bear like witness. That. Thank you for letting us be ourselves. So don't mind me if I repeat myself. These simple rhymes be good for your health to keep them crime rhymes on the shelf. Live, love life like it just don't care. 5,000 leaders never scared. Bring the noise, it's the moment they feared. Still a beautiful idea. Get up, throw your hands in the air. Get up and show no fear. Get up if y'all really care. Need 20 years, now get up. Yeah, that's right. We're public enemy number one in New York. Public enemy number one in Philly. Public enemy number one in D.C. Public enemy number one in Cleveland, Ohio. Also, we're public enemy number one in St. Louis. Public enemy number one in New Jersey. And buzz it. We're also public enemy number one in Cincinnati. Public enemy number one in Detroit. Public enemy number one in Oakland. Public enemy number one in Baltimore. Public enemy number one in Miami. Public enemy number one in Indiana. Also public enemy number one in LA. Also with public enemy number one in Alabama, y'all. Public enemy number one in Tennessee. Public enemy number one in Mississippi. The truth is here, I want more, give me more, we want more, god damn it, I'm back to demand, we get more, we want more, I want more, I want more, we need more, I want more, god damn it, I'm back to demand, we get more, give me more, I want more, more. I stand here naked as the day I was born. Face to the tone and my faith in the song. Blood soaking the pages, I painted them on. And none of y'all to take my place when I'm gone. I'm the pure, raw, uncut. Who the fuck want what? Here to show you sucker ass mutts what the fuck's what. Brother Ali, vow solemnly not to die while the music is still inside of me. It gotta be allowed to breathe. Gotta let it out at least enough to let the monster flee. I want more than what you offering me. Songs that make me feel like I'm already free. I'm a rebel in my own right. Y'all don't wanna write or think or speak a rhyme standing next to me. When the game needed, I'm exactly what it need. Put the soul in the speech, let it go, let it be. I want more, we need more. I want more, god damn it, I'm back to demand. We get more, give me more. I want more, more, more. I want more, we need more. I want more, god damn it, I'm back to demand. We get more, give me more. I want more. Solitary soul, still put the kind of passion to the mic that I hold. One day it'll have to be pride for my cold. Dead hand until then, the big man is gold. Got one lone reason to go on breathing. Climb into the zone of the evening, keep reaching. Just to pull more out the core of the demon. People need to see them a pure human being. Blood, sweat, love, hate, life, death, joy, pain. Little child running wild, stripped to the raw veins. Rabbit, junkyard dog off the chain. Barefoot balls out marching in the rain. Sacred war dance suspended in the moment. We throw the fuck down like our lives depended on it. Jaws of the street with our heart on our sleeve. Throwing shots at the law, which is all I believe. Give me more, we need more. I want more, god damn it, I'm back to demand. We get more, give me more. I want more, more, more. I want more, we need more. I want more, god damn it, I'm back to demand. We get more, give me more. I want more, more, more. Our songs are supposed to be the voice of our soul. Not bought and sold, not all controlled. Bring a little fire when the world get cold. Let me shed a few tears and to me you went gold. People need more freedom. Children need to hear more truth when y'all teach them. Damn, I wanna hear a plan from the dude preaching. Got new seeds with true needs and who's leading. I truly believe every word I ever uttered on a drum break. Right or wrong, life go on, but it wasn't nothing fake. I demand you start listening to the crowd. If not, we gon' burn this bitch to the ground. Give me more, we need more. I want more, god damn it, I'm back to demand. We get more, give me more. I want more. What about I? Vous êtes bel et bien sur les ondes de CISM et vous venez d'embarquer depuis une dizaine de minutes dans la MyFi en mode spécial 170e anniversaire avec un épisode fait donc d'un bout à l'autre sous hélium. Mais attention, pas avec un petit effet venu d'un logiciel ou d'une quelconque machine avec des boutons. Non, non, du vrai véritable hélium mis dans des petits ballons en plastique par une vieille dame en vrai peau d'humain qui travaille à la boutique de farce et attrape du coin. Attends, j'y retourne. Et donc, par la vieille dame qui m'a dit, comme la dernière fois quand elle était un peu plus jeune de quelques mois, de ne pas faire ça puisqu'il n'y a pas toujours que de l'hélium dans les ballons. Eh oui, chères auditrices et auditrices, imagine un peu le danger que je brave juste pour que tu m'aimes un tout petit peu plus. Music evolution change, sometimes to come and make it sound strange. Add a little this, take out a little that, then you'll come up with that jazz core rap. Where it's at, bring it back, because it is an ill format. Music evolution change, sometimes they come and make it sound strange. Add a little this, take out a little that, then you'll come up with that jazz core rap. Where it's at, bring it back, because it is an ill format. Once upon a time not long ago, when all the cats went to hear Satchmo blow, grooving at a tempo fast or slow, jazz was at a new plateau, ready to grow. Also developing ways to make dough, although we always heard no when at a show the clan couldn't keep the man from making mo. Better blues, kinda confused is the news. These grooves was better than your blue suede shoes. Some G's are fake and some will make moves. I prove jazz going up another level, real, without making a deal with the devil. And so I'm about to let the world know that bebop and scatting was an old school flow. Calloway was a dope MC, you didn't know. Now that the years gone by, some will try to make that hip hop and jazz thing die. When it was scat before it was rap, yo, it was fly. Now it brings tears to the eye. Oh my, I didn't hear that back in the days. I wonder why. Music evolution change, sometimes to come and make it sound strange. Add a little this, take out a little that, then you'll come up with that jazz for rap. Where is that? Bring it back, because it is an ill format. Music evolution change, sometimes to come and make it sound strange. Add a little this, take out a little that, then you'll come up with that jazz for rap. Where tiny mo. Let's pick a song, let's make it long, and add the rap to make it strong. And if it's wrong, then I'll chill and let it stop. If not, then I'll bust chops to get props to make sure jazz and hip hop is at the tip top. But wait, we must cross roads to get it straight. In rhyme, there's a thin line between love and hate. Some state rapper never make it out the gate, but I'm here to cause a debate and contemplate why jazz and hip hop is considered second rate. But what's the use if I proceed to break it loose? There's always an excuse why the rapper gets abused. Don't wanna tangle because the angle is obtuse. Same kind of case that was facing the juice. My tongue can get next hung. Where's the noose? My hypotenuse was to make rap fun, but what I done has put the soldier on the run. From sun to sun, carrying weight that weighs a ton. Convicted without a gun. Forget the fame or your name. They need someone to blame for murder one. Music evolution change. Sometimes the common make it sound strange. Add a little this, take out a little that. Then you'll come up with that jazz or rap. Where it's at, bring it back, because it is an ill format. Music evolution change. Sometimes the common make it sound strange. Add a little this, take out a little that. Then you'll come up with that jazz or rap. Where it's at, bring it back, because it is an ill format. Evolution change. Sometimes the common make it sound strange. Add a little this, take out a little that. Then you'll come up with that jazz or rap. Where it's at, bring it back, because it is an ill format. Music evolution change. Sometimes the common make it sound strange. Add a little this, take out a little that. Then you'll come up with that jazz or rap. Where it's at, bring it back, because it is an ill format. Music evolution change. Sometimes the common make it sound strange. A little this, take out a little that. Then you'll come up with that jazz or rap. Where it's at, bring it back, because it is an ill format. Change, strange, this, that, jazz, rap, because it is an ill format. C'était il y a bientôt 20 ans et je trouve que ça ne revient pas assez souvent, pour ne pas dire que ça ne revient même quasi jamais. C'était le beau Music Evolution Change, extrait du second et dernier album du projet hybride du jazzman Brentford Marsalis. Cela s'appelait Backshot le Funk. Et juste avant cela, nous avons ouvert les festivités avec une autre affaire de jeunesse, un retour il y a 22 ans dans l'Angleterre post-Thatcher avec l'électro-hybride de Bomb the Bass. Attends, je reviens. Donc Bomb the Bass, qui était suivi de près par deux autres poussées légendaires sorties toutes les deux il y a quasiment 10 ans, Public Enemy avec le titre Harder Than You Think, suivi de Brother Ali et son fameux sample de Reggae Root pour le titre Truces. Et tout de suite on enchaîne avec un autre band mythique issu de la bande-son de notre jeunesse idyllique. Un band qui aura été pour moi en partie responsable de mon amour pour la partouze musicale mondiale. Un collectif californien complètement fou qui sévissait dans les années 80-90 et auquel je trouve qu'on ne rend jamais dommage à la hauteur de l'importance et de l'influence qu'ils ont été pour les musiques mêlées d'hier et d'aujourd'hui. Voici Fishbone. When I take her out to dinner and I treat her good, I spend all my money on expensive food. I show her up to all the rest of my friends. I'm not good looking, but at least she's a 10. I won't pay a picture on my buddy's scam. I'll be in love with the bitch in bed. You know I am, but at least she'll pretend. Well, I wish I had a pretty face and a body for brows and fights. Well, if I didn't have a chicken face, fuck, I could melt down the chicks at night. But I did not, and she'll ignore me just a little, but not a lot. And she'll go front with the tough guys and the fool around with the twat. And for the moment said I got my back turned, she's making out in the parking lot. Well, I wish I had a date with a lot of trust and devotion. Oh, well, I wish I didn't have a trunk, like to spread her legs like the ocean. But if you know I had a date, and she wouldn't play on me, Disappear to run and hide. I like to hide behind my glasses, so in myself I can confide. I like to hide behind my glasses, Lord, to make the boss the little man. I take my underdog super sauce pill to beat the bullies. Take off my glasses, I shrink down again. They interrupt my psychedelic kingdom and they think they can whip me with my silver pants. So don't ask me why I put on my glasses again. Don't ask me why I put on my glasses again. I must repeat myself because I have to win. So don't ask me why I put on my glasses again. We'll be right back. Folie d'Angelo Moore et de tous ses amis. Et j'aurais pu sérieusement faire l'émission tout entière avec eux, tant les deux premiers tiers de leur carrière recèlent d'inégalables moments. C'était un petit hommage à Fishbone, avec une succession de trois actes parus respectivement en 86, 88 et 93 sur trois albums différents parmi leur discographie riche de 7 LP, 6 EP et 4 live. Attends, j'y retourne. Et donc, à Fishbone, comme malheureusement, on aura quand même un peu perdu sur la fin d'histoire, la folie ayant laissé la place au chaos et le sextet s'effritant jusqu'à ne devenir plus que le groupe du seul Angelo. Ceci dit, si un jour vous avez l'occasion de remonter dans les années 80-90, je vous conseille vivement d'aller les voir en show, car c'est bouillant. On continue parmi les bennes de fleurs bleues de notre jeunesse éternelle, versant un peu plus punk et plus obscur, mais tout aussi excitant. C'était il y a 25 ans, nous écoutons le beau Now, pièce maîtresse issue de la longue discographie des Canadiens No Means No. Now if I had the courage, I'd pour into your jaw all the things that I have heard you whisper in the dark. And when that jar was heavy with your honeyed confidence, I'd put it to my lips and drink its meaning and its sense. Its meaning and its sense. It has no end, so let's pretend it's now. Let's get started now. Let's get started now. Oh, when your flood surrounds me, when the waters burst and come, who knows the things that I have felt, who knows what I have done. And if I had the courage, I'd pour into your jar all the things that I have heard you whisper in the dark. And when that jar was heavy with your honey confidence, I'd put it to my lips and drink its meaning and its sense. Its meaning and its sense. It has no end, so let's pretend it now. Let's get started. Toujours sur les ondes de CISM, et vous êtes encore en balade dans la MyFi ce soir en tenue d'anniversaire, tout en paillettes, cotillons et ballons à l'hélium que je vais donc continuer de goulûment inhaler jusqu'à la fin de ce 170e épisode. Faut d'ailleurs que j'arrête de ne pas arrêter de parler car je ne vais jamais avoir assez de mes 18 ballons pour aller au bout de l'émission. Attends, je reviens. Alors sinon, nous venons de quitter tout de suite Operation Ivy, band de Californie, ici en 89, précurseur lui aussi du mix entre hardcore et rocksteady. Et on poursuit, toujours concentré à lorgner sur les jolis sons du passé qui ont fait de nous ce qu'on est et qui continuent de nous accompagner maintenant qu'on est grand, qu'on perd des dents et qu'on repère des cheveux blancs. Nous écoutons Fool's God, la jolie petite balade à Swingelfight de Dub War. Yeah. De remonter encore davantage la pendule avec cet ancêtre des musiques hybrides, une rencontre entre l'Occident et l'Orient qui date de 1958, fruit de l'inspiration de Charles Ganimian, issu d'un de ses projets éclairs sous le nom ici de Ganim's Asia Minors. Nous venons d'écouter le single culte Daddy Lolo. Attends, moi je reviens. Ok, on reste dans le garage à écumer les vinyles de nos grands-parents pour peu qu'ils aient été un tantinet rock'n'roll. On passe à une chanson de l'amour, Soul et éternel, parue 10 ans plus tard, en 1968, par un band qui lui aussi n'a jamais reçu la gloire tant méritée, à part s'être fait voler son nom à plusieurs reprises. Voici Loving You Sometimes par The Outcast. Loving you has been something I've never seen. Though I love you so, don't you ever go. Toujours sur les ondes de la marge et nous descendons doucement vers le final de cet épisode anniversaire de la MyFi, toute faite de son fétiche et de timbrélium. Et puisqu'on se rapproche de la fin, on se dévoile un peu plus et on y va avec quelque chose qui, pour moi, représente une des plus grosses contradictions vécues dans ma vie de mangeur de disques. Bouge pas, je reviens. Ok, j'explique. Alors d'un côté, il y a moi qui ne suis pas très friand du trop bruyant Kanye West et qui suis encore moins tolérant concernant l'utilisation à outrance de l'autotune. Et de l'autre côté, il y a moi aussi, mais l'autre, celui qui a été très touché à l'époque de sa sortie par le 4e LP de Kanye West, 808's Anal Break, qui est donc un album fait avec de l'autotune juste d'un bout à l'autre. Sincèrement, je ne me l'explique toujours pas. Attends, bouge pas. Et en plus, là-dedans, j'ai même mon morceau préféré, donc normal que je vous en fasse profiter, mais évidemment sans jouer Kanye West pour autant, qui s'est donc transformé ici en demoiselle parisienne accompagnée de son band. Nous écoutons Amazing de Kanye West, repris par The Rodeo. It's amazing, I'm the reason everybody fight up this evening. I'm exhausted, barely breathing, holding on to what I believe in. No, take that from me. My reign is as far as your eyes can see. It's amazing, so amazing, so amazing, so amazing. It's amazing, so amazing, so amazing, so amazing. It's amazing. the only thing I'm afraid of. It's amazing, so amazing, so amazing, so amazing. It's amazing, so amazing, so amazing, so amazing. No matter what, you'll never take that from me. My reign is as far as your eyes can see. Et je ne peux pas croire que maintenant je dois m'en aller. Goodbye my love, goodbye. Je ne t'oublierai pas. Et quand je reviendrai à Londres, ce sera surtout pour toi. Je suis sur le quai, le bateau va partir. J'agite mon mouchoir mais je n'arrive pas à sourire. Mes amis sont venus, on prend quelques photos qui rappelleront le temps de mes vacances finies. C'était trop beau. Goodbye my love, goodbye. Je ne t'oublierai pas. Et quand je reviendrai à Londres, ce sera surtout pour toi. Goodbye my love, goodbye. Je ne t'oublierai pas. Goodbye my love, goodbye. Goodbye. Tu restes dans ton coin. Tu m'appelles pour me dire que tu aimerais bien pouvoir tout laisser et partir. Goodbye my love, goodbye. Je ne t'oublierai pas. Et quand je reviendrai à Londres, ce sera surtout pour toi. Et quand je reviendrai à Londres, ce sera surtout pour toi. Goodbye my love, goodbye. Je ne t'oublierai pas. Goodbye my love, goodbye. Goodbye. Goodbye my love, goodbye. Je ne t'oublierai pas. Goodbye my love, goodbye. Goodbye. Goodbye. Un autre péché mignon coincé dans le fond de notre discothèque de fétiche chanson. C'était en 1967, Jacqueline Taïeb, française d'origine juive et tunisienne, avec ce soir Je m'en vais, ce qui tombe à point nommé puisque nous aussi on s'en va. Quand je dis nous, c'est moi et tous mes petits ballons. Enfin, ce qu'il en reste, parce que là j'ai plutôt l'impression d'être entouré d'une série de condons usagés de toutes les couleurs. En même temps, ça fait du monde. Bon, ok, attends, bouge pas, j'arrive. Ok, sinon, comme d'habitude, vous pourrez faire tout ce que vous voulez avec le podcast et la playlist de cette émission en vous rendant sur le CISM893.ca et sur le hifesoul.com. D'ailleurs, si vous avez aimé la festivité, vous pouvez aller jeter une oreille à l'épisode du 1er avril. C'est à cause de lui que tout a commencé. Et ça se trouve aussi sur le hifesoul.com. Bougez pas, je reviens. Allez, on se quitte sur la touche mélancolique au souvenir de l'aventure avec la ritournelle éternelle du splendide Remember the Roots. Et avec pour l'occasion un hommage à mes frères et sœurs de sang et de cœur qui sévissent là-bas de l'autre côté de la flaque d'eau. J'ai bien pensé à vous tout au long de ce bel enchaînement de Madeleine. Là-dessus, rendez-vous la semaine prochaine pour reprendre là où nous l'avons laissé, la belle actualité. Je m'appelle Zikia et c'était la MyFi sur les ondes de CISM. Bonne fin de semaine à tous. Bye. I do what's two of hearts from a deck of cards. A stock trick from my empty repertoire. Another hopeless story, never read it all. I'm better off looking for the end where the credits are. It's pain living life against the grain. I'm looking back and y'all look the same. Troy, Mark, and Lil, what's his name? Memory is rerunning it all. It's the flight of my fall, and it's right on the wall. I remember, can you remember how it was? I do remember, do you? I remember, can you remember how it was? I do remember, do you? I used to ride the train the same two stops and look at the graffiti on the rooftops, like the same song playing on a jukebox. Joint called Faded Polaroids in a shoebox. Regardless of what the cadence is, it can't be forgotten like old acquaintances. I realize how depressing of a place it is, and when I notice my reflection, whose face it is. I remember, can you remember how it was? I do. Still.